sister queen, you know. When I love you, je pense au jour où tu m'as donné ton amour. Tu sacrifies ta vie en dépit de tout juste pour moi. J'ai connu la souffrance et tu étais là, prêt à tout pour nous deux, et ça chaque fois à cause de moi. J'ai levé la main droite et j'ai juré de t'aimer, te chérir et te protéger. T'as mis en la lumière et laisse tomber tes paupières. Je me livre à cœur ouvert dans notre intimité. Je serai franc et sincère. Je me sens si belle à tes côtés. Ah, tu es la fleur dans mon jardin. T'as mis ton cœur entre mes mains en me disant chérie, prends-en soin. Si j'ai mal, sois mon médecin. Et tu te souviens le jour où je t'avais dit qu'on serait dans le même train pour la vie. Dépose ta tête sur mon épaule. T'inquiète pas bébé, je contrôle tous ces mots juste pour toi. Uniquement parce que c'est toi. J'écris à ne plus en finir. Plus t'es loin de moi et moins je respire. Je pense au jour où tu m'as donné ton amour. Tu sacrifies ta vie en dépit de tout juste pour moi. J'ai connu la souffrance et tu étais là, prêt à tout pour nous deux, et ça chaque fois à cause de moi. Ton cœur est la flamme qui me tord, yeah. Tout ce dont une femme pourrait rêver, c'est dans tes yeux que je m'abandonne. Tes bras sont le refuge que je cherchais. Oh, tu sais, tous nos silences sont comme une dépendance. Chacune de mes larmes ravivait ta souffrance. La douleur me détruit en ton absence. Car c'est un bout de toi qui échappe à mes sens. Je te parle au nom de notre amour. Qu'il nous emmène là où jamais personne, personne, personne ne pourra jamais nous retrouver. Ooh, oh, oh. Pourra jamais nous retrouver. Je pense au jour où tu m'as donné ton amour. Tu sacrifies ta vie en dépit de tout juste pour moi. J'ai connu la souffrance et tu étais là, prêt à tout pour nous deux, et ça chaque fois à cause de moi. Confidence pour confidence, toi seul as su changer mon existence. Laisse-moi te dire que jamais je n'abandonnerai tous ces projets pour nous deux. Je m'en suis fait la promesse. Tes sentiments sont si précieux à mes yeux. Restons unis, préservons-nous au mieux. C'est une histoire qui n'en finira jamais. À tes côtés, j'imagine un monde parfait. Pour toi, jamais. Sans toi, ensemble pour la vie. Unis dans la foi. Je me sens vivre et mon cœur bat à toute vitesse. Je respire lorsque les sentiments progressent. Évadons-nous encore plus fort. De l'amour encore et toujours plus. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Peux-tu le comprendre, hey. Je pense au jour où tu m'as donné ton amour. Tu sacrifies ta vie en dépit de tout juste pour moi. J'ai connu la souffrance et tu étais là, prêt à tout pour nous deux, et ça chaque fois à